Chapitre 25e. Avant de quitter Paris, la Syrienne avait confié son projet à Hamza. « Ne mens pas, Ataras, lui avait dit la vieille servante. « Venge-toi bien, maîtresse. Quand te retrouverai-je ? « Je ne sais, mais ne t'en préoccupe pas, car peut-être ne me reverras-tu jamais. Demain, tu partiras pour Chavernay, en emportant mon petit Henri et une lettre que je vais te donner. Là-bas, tu trouveras maître Job, et tu lui demanderas de te conduire à Mareuil, chez Madame Mermex. Tu lui remettras l'enfant et la lettre, et, si elle le veut, tu resteras près d'elle pour l'aimer et la servir. » Souleyma écrivit rapidement la lettre, la cacheta et la remit à la servante. Puis elle se pencha sur le berceau de Henri. Elle lui passa au cou une petite amulette bleue qu'elle tenait de sa famille, puis l'embrassa longuement. L'enfant dormait. Il ne sentit pas les larmes de sa mère rouler sur ses cheveux blonds. « Adieu, dit la Syrienne à la servante. Je te le confie. Aime-le et prie pour moi. » Quand elle fut partie, Hamza se mit en devoir d'exécuter ses volontés. Elle arriva le jour suivant à Chavernay, où elle se fit indiquer la demeure du peintre. Elle rapporta fidèlement à Job les paroles de sa maîtresse. « Pauvre femme, dit le vieux maître, elle méritait qu'on l'aimât. Cet enfant est bien le fils de Henri. La vengeance sera terrible, mais il est des natures ardentes qui ne sauraient attendre le châtiment divin. Nous allons partir et, avant tout, il me faudra conter à Marthe tout ce qu'elle ignore, c'est-à-dire l'infamie de son mari. Il va l'expier cruellement. » À la chute du jour, ils étaient à Saint-Venant. Là, ils prirent une carriole pour se faire conduire à Mareuil, où ils entrèrent à la nuit. Job heurta la porte de Madame Mermex. Tante Isor, la gardienne fidèle, lui ouvrit. Elle fut bien étonnée en voyant Hamza dans son costume étranger et portant un poupon dans ses bras. « Voulez-vous me conduire auprès de votre nièce ?» demanda Job. L'air solennel du maître intimida beaucoup la tante. Elle ouvrit la chambre de Marthe et fit entrer. La jeune femme semblait vieillie. Ses cheveux étaient devenus blancs. « Vous êtes seule ?» dit Job. « Oui, Gaston est parti depuis plusieurs jours et je ne sais pas où il est. Je viens vous le dire. » Et gravement, avec tout le ménagement de mots nécessaires pour narrer certains détails devant une femme respectée, il lui conta la cause de la mort de Henri. « À quel misérable suis-je donc lié ?» s'écria Marthe. Job acheva ses révélations en lui disant le départ de son mari, sa rencontre avec la Syrienne et ce qu'il avait appris de la servante. Marthe semblait atterrée. Si méprisable qu'il fût, Gaston était son mari, et sa mort probable lui causait une vive émotion. « Où est l'enfant ? » demanda-t-elle. « Ici. » Et Job fit entrer Hamza. Marthe ouvrit la lettre qu'elle lui remit et lut. « Madame, comme moi, vous avez été l'ami de Henri. Job vous dira comment il est mort et pourquoi il appartient à moi seul de le venger. Après ce châtiment, je n'aurai plus rien à faire sur cette terre et je la quitterai sans bruit. Jamais on ne retrouvera rien de moi. Un seul lien m'attache à ce monde et amollirait mon courage s'il pouvait faiblir. C'est mon enfant, le fils de Henri. Il porte son nom. Je vous le confie. Aimez-le. Parlez-lui de son père. Dites-lui combien il était doux et bon. Pardonnez-moi si je vous ai pris un jour le cœur de Henri. Dieu m'en a puni. Je n'ai pas su le faire heureux. Gardez son fils d'un pareil amour et priez quelquefois pour moi. » Souleyma. Marthe se sentit émue par cette lecture. Elle prit l'enfant dans ses bras et, l'ayant admiré, murmura « C'est bien les yeux profonds du père, pauvre bébé. Je vivrai pour lui. » L'enfant lui souriait et la caressait de ses petites mains. « C'est mon fils, » dit-elle à Job. Puis, se tournant vers la servante, « Vous resterez près de moi pour m'aider à en faire un homme. » Épilogue. Le corps de Gaston fut ramené à Mareuil. On le crut victime d'un accident et, à l'exception de sa femme, personne ne songea à le plaindre. Lady Clarkson elle-même ne se montra pas affligée. Elle ramena l'année suivante un modeleur piémontais qui travaille depuis à la fameuse galerie d'après le modèle vivant. Le vieux Job brosse toujours ses tableaux bibliques dans la chapelle. Il n'a plus jamais entendu parler de Souleyma, qu'il croit morte. Quant à Marthe, elle a quitté Mareuil pour retourner dans sa petite maison de Rocadamor avec tante Isor, Henri et Hamza. Et sa vie se passe à choyer l'enfant qu'elle aime comme elle eût aimé le père si Dieu le lui avait donné. Ainsi s'achève La Dame Rousse de Charles Richard.